héros de ma vie maintenant auteur. Si je m'en sors c'est parce que j'ai du flair. Dis pas que l'argent n'a pas d'odeur. Sur cette planète obscure je dois protéger mes frères. Moi je veux pas être au-dessus, je veux être à la hauteur. Hey Scrooms t'inquiète on fera mal comme le ro de mes cras. Quand je vois mon père j'ai rien à lui dire, j'aimerais le prendre dans mes bras. Ou peut-être que j'ai trop à lui dire, mais trop de pudeur. Je l'ai jamais vu se plaindre même quand il travaillait jusqu'à plus d'heures. Ma mère m'a élevé à la dure, une éducation stricte. Elle m'a dit les enfants gâtés sont des petits garçons tristes hein. Et c'est maintenant que j'aperçois ses vérités. Je remercierai jamais assez maman pour sa sévérité. Ça c'est de l'amour, grâce à elle je me contente de peu. Un coucher de soleil et je contemple Dieu. J'ai rien zappé maman, je me souviens qu'à cette époque je t'aimais tellement que je cassais tes clopes. Et Dieu m'est témoin, mon père c'est mon exemple. Je mets les bouchées doubles, fidèle au Bushido. Un peu de rap pour bercer mon exode. J'avais la dalle d'un jeune rhum, j'inventais des jeux de rôle. Maintenant je vis mes rêves comme si j'avais invoqué Shenron. Choisis bien ton chemin sans chômer, putain c'est chiant. Mais je me voyais pas devenir showman. Je vis ma vie comme un shonen. Les veines, souffrance humaine t'emmènent de longues semaines au lit. On veut même s'ouvrir les veines, mais vaut mieux jamais le dire. Et bien souvent la peine rappelle de belles mélodies. Les souvenirs qu'on aime et qui pêle-mêle se mêlent aux disques. Et même mes ennemis s'en apercevront. Moi je suis comme Goku, j'ai le cœur souffrant. Devenir pote en s'embrouillant. Neketsu, ça veut dire s'embouillant. Je relève la visière de ma casquette, la lune est rougeoyante comme le dernier joint que mon pote allume en nous rejoignant. On l'accompagne le cœur gros pour son départ carcéral. Soudé avec mes cœurs gros, on se tape des barres carcérales. Les gars de l'équipe voyage dans toutes sortes d'embarcations. Paye plus par cash que par carte, vêtu d'une parka sombre. Grandir sans démarcation, éduqué par Cassel dans la haine. D'humeur cassante face aux manœuvres des marcassins. Trop de regards classants sur scène, tu remarques la synchro. Escrooms des refs pas des zincs, donc on débarque à synchro. Numéro 10, soudé quand c'est sombre dans la lumière aussi, sans concession tant qu'on n'a pas notre magasin de gauve. Les défis se présentent à toi pour que tu tentes. Beaucoup d'amérantes autour du temple. Y'a que l'apparence qui compte pour toi, pourtant c'est pas important. Pourquoi cours-tu tant? Le destin t'accorde une danse. Moi j'écrivais mes textes en classe. Le temps du cours, j'inversais le cours du temps. Tokyo に来て楽しみに待ってるよ。